Chapitre 57 Des essais de Montaigne, livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1 Chapitre 57 De l'âge Je ne puis recevoir la façon de quoi nous établissons la durée de notre vie. Je vois que les sages la courcissent bien fort, au prix de la commune opinion. « Comment ?» dit le jeune Caton à ceux qui le voulaient empêcher de se tuer. « Suis-je à 7 heures en âge où l'on me puisse reprocher d'abandonner trop tôt la vie ?» S'il n'avait-il que 48 ans, il estimait cet âge-là bien mûr et bien avancé, considérant combien peu d'hommes y arrivent. Et ceux qui s'entretiennent de ce que je ne sais quel cours qu'ils nomment naturel promet quelques années au-delà. Ils le pourraient faire, s'ils avaient privilège qui les exempta d'un si grand nombre d'accidents auxquels chacun de nous est en butte par une naturelle subjection, qui peuvent interrompre ce cours qu'ils se promettent. Quelle rêverie est-ce de s'attendre de mourir d'une défaillance de force que l'extrême vieillesse apporte, et de se proposer ce but à notre durée, vu que c'est l'espèce de mort la plus rare de toutes et la moins en usage. Nous l'appelons seule, naturelle, comme si c'était contre nature de voir un homme se rompre le col d'une chute, s'étouffer d'un naufrage, se laisser surprendre à la peste ou à une pleurésie, et comme si notre condition ordinaire ne nous présentait à tous ces inconvénients. Ne nous flattons pas de ces beaux mots. On doit à l'aventure appeler plutôt naturel ce qui est général, commun et universel. Mourir de vieillesse, c'est une mort rare, singulière et extraordinaire, et d'autant moins naturelle que les autres. C'est la dernière et extrême sorte de mourir. Plus elle est éloignée de nous, d'autant elle est moins espérable. C'est bien la borne au-delà de laquelle nous n'irons pas. Et que la loi de nature a prescrit pour n'être point outrepassé. Mais c'est un sien rare privilège de nous faire durer jusque-là. C'est une exemption qu'elle donne par faveur particulière à un seul, en l'espace de 2 ou 3 siècles, le déchargeant des traverses et difficultés qu'elle a jetées entre deux en cette longue carrière. Par ainsi, mon opinion est de regarder que l'âge auquel nous sommes arrivés c'est un âge auquel peu de gens arrivent. Puisque d'un train ordinaire les hommes ne viennent pas jusque-là, c'est un signe que nous sommes bien avant. Et puisque nous avons passé les limites accoutumées, qui est la vraie mesure de notre vie, nous ne devons espérer d'aller guère outre, ayant échappé tant d'occasions de mourir ou nous voyant trébucher le monde. Nous devons reconnaître qu'une fortune extraordinaire, comme celle-là qui nous maintient, et hors de l'usage commun, ne nous doit guère durer. C'est un vice des lois même d'avoir cette fausse imagination. Elles ne veulent pas qu'un homme soit capable du maniement de ses biens, qu'il n'ait 25 ans, et à peine conservera-t-il jusque-lors le maniement de sa vie. Auguste retrancha 5 ans des anciennes ordonnances romaines, et déclara qu'il suffisait à ceux qui prenaient charge de judicature d'avoir 30 ans. Servius Tullius dispensa les chevaliers qui avaient passé 47 ans, décourvés de la guerre. Auguste les remit à 45. De renvoyer les hommes au séjour avant 55 ou 60 ans, il me semble n'y avoir pas grande apparence. Je serais d'avis qu'on étendît notre vacation et occupation autant qu'on pourrait, pour la commodité publique, mais je trouve la faute en l'autre côté de ne nous y embesogner pas assez tôt. Cet huissier avait été juge universel du monde à 19 ans, et veut que, pour juger de la place d'une gouttière, on en ait 30. Quant à moi, j'estime que nos âmes sont dénouées à 20 ans ce qu'elles doivent être, et qu'elles promettent tout ce qu'elles pourront. Jamais âme qui n'ait donné en cet âge-là art bien évidente de sa force n'en donna depuis la preuve. Les qualités et vertus naturelles produisent dans ce terme-là ou jamais, ce qu'elles ont de vigoureux et de beau. Si l'épine nous pique qu'on est, à peine que pique jamais, disent-ils en Dauphiné. De toutes les belles actions humaines qui sont venues à ma connaissance, de quelque sorte qu'elle soit, je penserai en avoir plus grande part à nombrer en celles qui ont été produites et aux siècles anciens et aux nôtres avant l'âge de 30 ans que après. Oui, on la vit des mêmes hommes souvent. Ne le puis-je pas dire en toute sûreté de celle de Hannibal et de Scipion, son grand adversaire? La belle moitié de leur vie, ils la vécurent de la gloire acquise en leur jeunesse, grands hommes depuis au prix de tout autre, mais nullement au prix d'eux-mêmes. Quant à moi, je tiens pour certain que, depuis cet âge, et mon esprit et mon corps ont plus diminué qu'augmenté, et plus reculé que avancé. Il est possible qu'à ceux qui emploient bien le temps, la science et l'expérience croissent avec la vie, mais la vivacité, la promptitude, la fermeté et autres parties bien plus nôtres, plus importantes et essentielles, se fanissent et s'alanguissent. Ubi iam validis, quas satum est viribus aevi, corpus, et obtusis, ciciderunt viribus artus, claudicat ingenium, délirat linguaque, mensque. Tantôt c'est le corps qui se rend le premier à la vieillesse, parfois aussi c'est l'âme. Et on est assez vu qui ont eu la cervelle affaiblie avant l'estomac et les jambes. Et d'autant que c'est un mal peu sensible à qui le souffre, et d'une obscure montre, d'autant est-il plus dangereux. Pour ce coup, je me plains des lois, non pas de quoi elles nous laissent trop tard à la besogne, mais de quoi elles nous y emploient trop tard. Il me semble que, considérant la faiblesse de notre vie, et à combien d'écueils ordinaires et naturels elle est exposée, on n'en devrait pas faire si grande part à la naissance, à l'oisiveté et à l'apprentissage. Fin du chapitre 57. Fin des essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1.